بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم عليه رحمة الله: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق ابن إبراهيم جميعا عن وكيع. قال أبو بكر: حدثنا وكيع عن زكريا ابن إسحاق قال: حدثنا يحيى ابن عبد الله ابن صيفي ابن صيف أو صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنه عن معاذ بن جبل قال أبو بكر: ربما قال وكيع عن ابن عباس أن معاذا قال. دونك الحديث سان حديث دو عبد الله بن عباس اي ام تان سان حديث دو معاذ. دونك عبد الله بن عباس اي رابور دو معاذ. صحابيان جليلان. نعم قال دونك معاذ دي: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. Le prophète صلى الله عليه وسلم m'a envoyé, c'est-à-dire vers le Yémen. ثم قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم. طيب appelle, certes tu pars à la rencontre de gens, des gens du livre, ou d'un peuple faisant partie des gens du livre. فَدْعُوهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَى اللَّهِ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ. Appelle-les donc à l'attestation qu'il n'y a de divinité digne d'adoration autre qu'Allah, et que je suis le messager d'Allah. فإنهم أطاعوا لذلك. لأن في رواية كثيرة بألفاظ متعددة. طيب وهنا فإنهم أطاعوا لذلك. Donc s'ils t'obéissent à cela, c'est-à-dire ils ont écouté et ont accompli l'attestation de foi, la shahadatayn. فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ. Informe-les qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné cinq prières de nuit comme de jour. فَإِنَّهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ. Et donc, si ils ont obéi à cela, فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ. Donc informez-les qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a imposé la zakat qui doit être pris de leurs riches et rendue à leurs pauvres. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ. Donc si ils obéissent à cela, فإياك وكرائم أموالهم. Donc fais attention alors وكرائم أموالهم. Fais attention à ne pas prendre leurs biens les plus précieux. نعم. واتق الدعوة المظلوم. Et prends garde de l'invocation de l'opprimé. فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. Car il n'y a pas entre l'invocation de l'opprimé et Allah Azza wa Jal de voile. C'est-à-dire, c'est une dua qui est mustajaba. نعم. قال الشيخ العثيمين: وفي هذا الحديث من الفوائد. Donc dans ce hadith, parmi les fawaïd qu'on peut extirper du hadith, الأول أن الإنسان ينبغي له إذا أراد أن يقدم أو يقدم إلى قوم أن يعرف حالهم ليستعد لهم بما يليق بحالهم. Donc la première faïda qu'on peut tirer de ce hadith selon Cheikh Al-Uthaymeen, c'est que il est important et où il convient à la personne qui s'en va à la rencontre d'un groupe de gens ou d'un peuple, de connaître leur situation. Hein? Il convient à la personne qui s'en va rencontrer des gens de connaître leur situation afin que cela, afin qu'ils se préparent du mieux que possible à leur rencontre. وَيُخَاطِبُهُمْ بِمَا يَلِيقُ مِنَ الْكَلَامِ. Et afin qu'ils puissent dialoguer avec eux, avec يعني, d'un dialogue qui convient. نعم. لِقَوْلِ وَهَذَا مَأْخُذُ مِنْ أَيْ جُزْءٍ مِنَ الْحَدِيثِ. Et ça, c'est pris de quelle partie du hadith? Lorsque le prophète Hassan dit quoi? نعم. إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم تأتي قوما من أهل الكتاب. نعم. الفائدة الثانية أن أول ما يدعى إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. Et donc on comprend aussi de ce hadith que la première des choses à laquelle on doit appeler, c'est la شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثالثا أنه لا يطالب أحد بالصلاة أو الزكاة حتى يأتي بالأساس. Troisième faïda, comme quoi on ne demande à personne de venir accomplir la salat ou de donner la zakat jusqu'à ce qu'il ait tout d'abord accompli la base. C'est quoi la base? نعم الشهادتين. نعم. حتى يأتي بالأساس وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولهذا قال العلماء رحمهم الله وعليكم السلام إن كل عبادة من شرطها الإسلام وهو الشهادة. Et c'est pourquoi les savants ont dit que il n'y a pas d'adoration sans sa condition principale qui n'est autre que l'islam. Wa huwa ash-shahadatan. Na'am. Rabi'an annahu yajuzu al-amr bil-mujmal hayth lam yubayyin miqdar as-sadaqah wala ansabaha wala ansab wala ansiba'iha wala ansiba'aha. نعم هذا الجمع هذا طيب ولا انصباءها ولم يبين ايضا من اصنافها الا واحدا وهم الفقراء. Donc on prend ce hadith aussi qu'il est permis d'ordonner d'un ordre mujmal, c'est-à-dire indécis. C'est pris du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a ordonné la zakat sans toutefois leur préciser quel était le c'est-à-dire le nasib ou à qui elle devait revenir cette zakat. Yani il a précisé que yani parmi les mustahiq de cette zakat, il a précisé les fuqara. Mais on a asnaf okhra. Hein, mais il y a d'autres catégories qui peuvent bénéficier de cette zakat. Et le prophète sallam il n'a pas expliqué dans ce hadith. Na'am. Donc on prend comme quoi il est permis d'ordonner une chose d'une manière indécise, c'est-à-dire sans préciser la chose en détail. Na'am. طيب. وأن الزكاة تسمى خامسا أن الزكاة تسمى صدقة. قال تعالى إنما الصدقات للفقراء وفي آية آخر أو أخرى قال فريضة من الله. فالصدقة اسم جامع للزكاة والصدقة وصدقة التطوع. نعم والصدقات التطوع. دونك لا زكاة c'est un nom qui englobe نعم c'est un nom qui ou plutôt sadaqa c'est un nom qui englobe la zakat et les aumônes surrogatoires. نعم الصدقات تشمل الزكاة والصدقات التطوع. نعم. سادسا أنه لا يجوز أن تنقل الزكاة إلى غير فقراء البلاد. هذه مسألة ينظر فيها. Donc ça c'est une mesela faudrait regarder l'avis des savants dans sur ce point. Là, Cheikh Al-Uthaymeen il dit que qu'il n'est pas permis de donner la zakat à autre que les pauvres du pays dans lequel on se trouve. C'est pris de quelle partie du hadith ? Parmi eux, les pauvres parmi eux. Hmm. نعم أحسنت. قال يعني وترد إلى فقرائهم. نعم فترد إلى في فقرائهم. نعم. نعم فالشيخ العثيمين يقول أنه لا يجوز نقل الزكاة إلى غير فقراء البلاد. نعم. ومعلوم أن هذا لا إشكال فيه فيما تساوى أهل البلد، ومن كان بعيدا منه في الحاجة وفي الأجر والثواب، وأما إذا تميز غيرهم بميزة كشدة الحاجة أو كونهم أقارب أو ما أشبه ذلك فإنه يكون أفضل. طيب donc là il dit qu'il n'y a pas de différence à faire dans la zakat lorsque tu la donnes aux pauvres, peu importe le pauvre que tu trouves, c'est-à-dire dans ton pays, la zakat elle est, il en a droit. طيب لكن ça c'est si par exemple les pauvres ils se trouvent tous dans un même hal. Maintenant, si tu connais des gens qui sont plus pauvres que d'autres ou qui sont plus proches de toi, c'est-à-dire d'un lien familial, فالآن, ça devient afdal que tu donnes à ce genre de personnes. Naam. Même s'ils sont dans notre pays. Par rapport à si c'est... أصلاً هذه المسألة تحتاج إلى نظر فيها. هو الشيخ العثيمين يقول أنه لا يجوز أن تنقل الزكاة إلى غير فقراء البلاد ويحتاج إلى نظر. faudrait qu'on regarde déjà dans la مسألة هل هذا صحيح ولا لا. نعم طيب ثم بعدين يقول أو على الأقل بعد أن قال فإنه يكون أفضل أو على الأقل نقول جائز لأن هذا فضل متعلق بذات العبادة والأول بمكانها. نعم دونك الشيخ العثيمين لا en fait il parle عثمان il parle des فقراء qui sont dans ton pays. Si toutefois il y en a qui font partie de ta famille, fahum afdal. Ou c'est permis. Yani il dit c'est soit meilleur ou soit c'est minbab al-jawaz. نعم. وهذه المسألة إن شاء الله نراجع فيها أقوال أهل العلم. نعم. طيب. ومن فوائد الحديث أنه لم يذكر في هذا الحديث الصوم ولا الحج، وأقرب ما يقال في ذلك إن الصوم لم يذكر لأن بعث معاذ كان في ربيع الأول، أي بقي على رمضان 5 أشهر، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يبين لهم فرض صيام رمضان حتى يقرب وقته. Donc, le prophète Sassim, il n'a pas évoqué dans ce hadith, il n'a pas ordonné à Mu'adh de les appeler au jeûne du mois de Ramadan, ni au Hajj. Et les savants, ils ont donné plusieurs explications. Et la meilleure explication qu'a retenue Cheikh Al-Uthaymeen, c'est celle qui dit que Mu'adh, il était parti là-bas durant le mois de Rabi' al-Awwal. Et entre Rabi' al-Awwal et Ramadan, il y a 5 mois. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a préféré ne pas le conseiller ou ne pas lui ordonner qu'il ordonne lui-même le jeûne de Ramadan jusqu'à ce que sa venue soit proche. Naam. Wa yakun al-iman qad rasakha fi qulubihim. C'est-à-dire jusqu'à ce que le mois de Ramadan soit proche d'eux, de manière à ce que la foi a pu s'enraciner dans leur cœur. وَالْتَزَمُوا بِأَحْكَامِ الْإِسْلَامِ إِلْتِزَامًا كَامِلًا. Et après qu'ils se soient accrochés aux règles de l'islam d'un accrochement complet. وَأَمَّا الْحَجْ فَقِيلَ إِنَّهُ لَمْ يَأْتِي وَقْتُهُ بَعْدٍ فلذلك لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم هنا. طيب. Et au sujet du Hajj, pourquoi le prophète صلى الله عليه وسلم il l'a pas évoqué? Parce que son temps n'était pas encore arrivé. Le temps du Hajj n'était pas encore arrivé. C'est pourquoi le prophète صلى الله عليه وسلم n'a pas évoqué le Hajj. نعم. قال نعم. ومن الفوائد التحذير من ظلم المعطي إذا أخذ منه أكثر مما يجب. Le fait de il y a une mise en garde dans ce hadith sur le fait d'être injuste envers celui qui donne la zakat, et de ne pas prendre plus que ce qui lui est obligatoire. وَلِهَذَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ إِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَالْكَرَائِمْ جَمْعَ كَرِيمَ وَهِيَا الْحَسَنَةَ الَّتِي تَمْتَاز عَنْ غَيْرِهَا. Donc, الْكَرَائِمْ, c'est le pluriel de كَرِيمَ, et c'est-à-dire, c'est la meilleure des choses. Par exemple, s'il a de l'argent, c'est le meilleur de son argent. S'il a des biens, c'est le meilleur de ses biens. Naam. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé à Mu'adh de faire très attention de ne pas prendre de cet argent. Naam. طيب. أنه تاسعا أنه يجوز للمظلوم أن يدعو على الظالم. طيب. يعني الشيخ العثيمين يقول كم quoi il est permis à l'opprimé d'invoquer sur celui qui l'a opprimé, sur l'opprimeur. نعم. لكن مع ذلك هذا ليس على إطلاقه. ها malgré tout, ce n'est pas à prendre d'une manière globale. Il y a des cas où il est recommandé que tu patientes. وَهِيَ فِي الْمَظَالِمِ بَيْنَ الْأَخْ وَأَخِيهِ فِي الْإِسْلَامِ. Et ceci, c'est dans les concerne les injustices qu'il peut y avoir entre le frère et son frère, c'est-à-dire dans l'islam. هذا ما تبادر إلى الدعاء بل تصبر لأن إذا دعوت عليه فكأنك تعاونت مع الشيطان على أخيك والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك. يعني donc si tu fais des du'as sur ton frère, même s'il a été dhalam sur un film Ba'd al-Shay, il se peut que tu rentres ou tu aides le diable contre ton frère. Bel, هذا من باب الإطلاق. أي مظلمة يعني سواء كان من مسلم أو كافر إذا دعوت لذاك الشخص لكان أحسن. Si tu fais des du'as pour cette personne-là, c'est encore mieux. يقولون يعني أظن إما الإمام أحمد أو المهم أنهم ما كانوا يدعون على الأمراء والحكام. لماذا؟ لأن إذا دعوا عليهم وأصابهم شيء من ذلك فربما لتعطلت البلاد ولا حصلت الفتن أكثر وأكثر. Donc il y a des athars, je ne sais plus si c'est Ani l'imam Ahmed ou un autre parmi les salafs, qui disait qu'il ne voulait pas invoquer contre les dirigeants musulmans. Pourquoi ? Parce que si toutefois cette invocation elle venait à tomber sur eux, il se peut que de par cette cause-là, ça allait tout, yani, ce mal-là, il allait toucher Madin, ou ça allait provoquer des fitanes, des troubles encore plus grands. C'est-à-dire si, par exemple, le Hakim, il venait à mourir comme ça subitement, et il n'y a personne pour prendre la relève, ça va plonger les musulmans dans une fitna kabira. C'est pourquoi l'imam Ahmed dit wala tanam وليس عليك إمام ونحو هذا الكلام. Prends garde de ne pas dormir, yani une quelconque nuit, sans que tu n'aies un imam à qui tu as prêté serment d'allégeance. نعم. Tandis que si tu fais du'a pour lui, yani qu'Allah subhanahu wa ta'ala le guide, ça sera un khair. Parce que si Allah subhanahu wa ta'ala guide le hakim, ou il guide ton frère, ou il guide ayy shakhs, ça va revenir pour toi dans un, yani, comme un khair. Man dalla ala khairin falahu ajru fa'ilih. Là, tu ne l'as pas indiqué, mais tu as fait du'a pour lui. Si Allah subhanahu wa ta'ala il a accepté ta du'a, tu es la cause. Et on a vu dans un hadith que celui qui est la cause d'une chose, il est comme celui qui l'a fait. C'est quel hadith ? Hadith Jibril. Na'am. Na'am. Donc, هذا ليس على إطلاقه. لكن لا بس. Si vraiment le mustawa, c'est-à-dire l'injustice qu'on t'a fait, elle est vraiment importante, elle est vraiment grande ou quoi. وإذا كان مرة. يعني لا بس يجوز. نعم. هل تذكرون دعوة أحد من الصحابة على يعني في مظلمة؟ Est-ce que vous connaissez une da'wa d'un compagnon Il y a Rasoul Kamara, il y a un danzor. Quand il y a un café, il est venu accroché au visage. Eh, na'am. Le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, lama da'a Allah an yusallita kalban min kilabihi ala ahadi kuffar Quraysh. Na'am. Wa min as-sahaba. Si, parce que quand on a envoyé les gens نعم نعم نعم صحيح نعم. وكذلك من الصحابة هناك قصة عن سعد بن أبي وقاص، قصة جميلة، أن أهل العراق اتهموا بأنه لا يصلي كما ينبغي. Ils ont présenté les gens de l'Irak, je ne sais plus si c'est Al-Kufa ou Al-Basra. Al-Muhim, ils ont prétendu comme quoi Sa'd ibn Abi Waqqas, la yusalli, ou la yuhsin al-salah. Il ne fait pas bien la prière. Jusqu'à ce qu'ils se sont plaints à Omar ibn Khattab. Et Omar ibn Khattab, c'était quelqu'un de très juste. Même s'il sait que ça, c'est un compagnon. Que le prophète Sassem il a informé du paradis, il va quand même le convoquer et il va quand même c'est-à-dire lui demander des explications. Naam. Faja'a hadha as-sahabi wa akhbarahu Omar akhbarahu bima yaquluna an-nas fi al-Iraq. Wa annahu yara an yashabahu min dhalika al-mansib. Et donc Omar, il a vu qu'il était meilleur qu'il le reprenne ou qu'il lui enlève ce poste dans lequel il était. Al-muhim, Sa'd ma kana ghadban 'ala al-mulk wa la 'ala al-imara. Innama kana ghadban 'ala al-kadhib 'alayh. Donc Sa'd ibn Abi Waqqas, il était pas énervé parce qu'on l'a enlevé de son poste ou parce qu'il a changé d'occupation. Non, lui, il était énervé par rapport au fait qu'on a menti sur lui. Fada'a ala man kathaba alayh. Donc, il a fait des invocations sur celui qui a menti sur lui. Et parmi ces invocations, il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse vivre, qu'il fasse prolonger l'âge de ce menteur jusqu'à ce qu'il devienne un vieux maftoun. C'est-à-dire, il va perdre sa tête et en même temps, il sera maftoun. C'est-à-dire vieux, maftoun par les femmes ou quoi. فَكَانَ هَذَا الشَّخْصِ يَقُولْ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ أَنَا شِيخٌ مَفْتُونَ أَصَابَتْنِي دَعْوَةِ سَعْدِ. Il n'arrêtait pas de répéter ça. Cette personne qui a été touché par la da'wa de Sa'd. Il dit, je suis devenu un cheikh maftoun, asabatni da'wa de Sa'd. Et il était vieux, il marchait au bord des routes, il essayait de suivre les femmes. Na'am. Na'am. Fa da'wa de l'madloum, amrun azim. Amrun azim, wa laysa baynahu wa bayna Allah hijab. Wa kam yudlamoun al muslimoun. Kam. لا سيما في آونة في آونة الأخيرة. Et combien les musulmans sont opprimés. فلهذا في مثل هذه الحالة يعني يسن أن ندعو على من يظلم هذه الأمة. نعم، سواء كان في الشام أو كان في أي مكان في العالم. والإنسان لا يقتصر على نفسه. إذا شرب وأكل خلاص يعني الأمور طيبة، لا، بل ينظر إلى العالم ويحزن بحزن العالم الإسلامي ويفرح بفرح العالم الإسلامي. أما الواحد يعني يجلس على ما هو عليه من يعني الخير والأرزاق ولا يبالي بإخوانه، هذا غلط. فنحن مظلومون. فالإنسان يعني يجتهد، ولما نقول أن الدعاء على الظالم ليس على إطلاقه، هذا إذا كان الظالم مسلم. إذا كان الظالم مسلم يعني صح أن الأحسن الدعاء له. أما إذا كان كافر فحدث ولا حرج. Mais si c'est un mécréant, يعني il n'y a pas de problème à faire des doigts sur lui. نعم. نعم. طيب قال طيب أنه يجوز للمظلوم أن يدعو على الظالم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل دعوته مقبولة وقال ليس بينها وبين الله حجاب، ولكن لا يدعو بأكثر مما يستحق الظالم. هذه كذلك فائدة، ولا تدخل في الاعتداء. أي شخص ظلمك إن كنت تدعو عليه فلا تدعو بأكثر مما يستحق، فلا تدعو بأكثر مما يستحق. Donc si quelqu'un t'a fait une quelconque oppression, toi, si tu invoques sur lui, tu te dois de ne pas dépasser les limites dans ton invocation. C'est-à-dire, tu invoques plus que ce que lui mérite. Par exemple, أخذ عليك قلم، et t'as pris ton stylo. أنت يعني كنت بحاجة إليك وكذا، لكن ما تدعو عليه تقول يا الله كسر له رجله وظهره وذا وذا. Tu ne sais pas, tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala parce que tu as pris ton stylo, tu demandes à Allah casse-lui les jambes, casse-lui le dos, casse-lui. Là, هذا اعتداء. Et ça rentre dans la transgression, dans la dua. لأنه إن دعا بأكثر مما يستحق صار هو الظالم. Et s'il commet cela, c'est-à-dire il invoque plus que ce que la personne mérite, il deviendra alors l'opprimeur. Il deviendra alors l'opprimeur. ولهذا قال النبي قال الله عز وجل وجزاء سيئة سيئة مثلها. نعم. طيب ومن فوائد الحديث أن المظلوم مجاب الدعوة وإن كان كافرا. نعم. Ça aussi c'est une faïda, c'est que celui qui est opprimé, ses da'wa, son invocation, elle est mustajab, elle est exaucée. نعم. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit selon une traduction approximative, lorsqu'il monte dans le vaisseau, c'est-à-dire le navire, ils invoquent Allah d'une manière sincère, en lui voulant un culte sincère. Et lorsqu'ils sont sauvés et se retrouvent sur la terre, ils associent à Allah Azza wa Jal. طيب, c'est quoi le shahid du verset avec ce qu'on vient de dire ? عندك يا أحمد. نعم. نعم نعم أحسنت. طيب وهو يعلم سبحانه وتعالى أنهم سيشركون إذا نجوا، لكن بسبب إخلاصهم في تلك اللحظة واتجاههم إلى الله تعالى وظهور الافتقار له أجاب الله دعوتهم. Donc lorsque ils ont été sincères dans leur satire à cet instant et qu'ils se sont réellement tournés vers Allah Azza wa Jal et ils se sont montrés vraiment dans le besoin de lui, alors Allah subhanahu wa ta'ala il les a exaucés, bien que ils savaient très bien que ils allaient mécroire. Ils allaient associer après. نعم. ومن فوائد الحديث بعث الدعاة إلى الله عز وجل وأن الذي يتولى ذلك من له السلطة العليا على المسلمين وهو الإمام أو من جعل ذلك له. Donc on prend aussi ce hadith le fait d'envoyer des gens prêcher à Allah عز وجل. Et que celui qui les envoie n'est autre que celui qui a l'autorité la plus haute sur les muslimines. En général, c'est l'imam, c'est-à-dire le dirigeant, ou celui qui a été placé pour cela. Non. طيب وأخيرا قال التدرج يعني من الفوائد التدرج في دعوة الكفار le fait de lorsque tu appelles les kuffars d'y aller progressivement c'est pris de quoi du hadith Mohamed نعم لا صلاة نعم أحسنت وأننا إذا أردنا أن ندعو أمة كافرة فنبدأ بالأهم فالأهم et donc si on a envie d'appeler une communauté mécréante on commence par le plus important on commence par le plus important là نعم قال الإمام مسلم عليه رحمة الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا بشر ابن سري قال حدثنا زكريا ابن إسحاق حاء وحدثنا عبد الحميد قال حدثنا أبو عاصم عن زكريا ابن إسحاق عن يحيى ابن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال إنك ستأتي قوما بمثل حديث وكيع donc c'est juste un rajout et c'est une متابعة ولا شواهد هذا متابعة نعم طيب قال الإمام مسلم حدثنا أمية بن بسطام العيشي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح وهو ابن القاسم عن إسماعيل ابن أمية عن يحيى بن عبد الله ابن صيف أو سيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنه أو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تقدم على قوم أهل الكتاب أو أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل donc ça c'est pareil c'est une autre version du hadith qui vient de précéder. Donc le prophète sallam il dit sache que tu t'en vas à la rencontre d'un peuple faisant partie des gens du livre. La première des choses que tu dois les appeler c'est l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Et dans l'autre hadith c'était quoi? La shahada, naam. وهنا عبادة الله طيب فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يوم وليلة في يومهم وليلتهم فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوقع كرائم أموالهم. Donc en gros c'est une autre version du hadith qu'on vient de voir. نعم.